La fortune de Gaspard par la comtesse de Ségur. Enregistré par Christiane Jehan. Chapitre 1. L'école. Gaspard. Mais avance donc! Tu vas comme une tortue! Nous n'arriverons pas à temps! Lucas. Eh bien, le grand mal! C'est si ennuyeux, l'école! Gaspard. Comment le sais-tu? Tu n'y as jamais été? Lucas. Ce n'est pas difficile à deviner. Rester 3 heures, enfermé dans une chambre, apprendre des choses qu'on ne sait pas, être grondé, recevoir des coups d'un maître ennuyé, tu trouves ça agréable? Gaspard. D'abord, la chambre est très grande. Lucas. Oui, mais étouffante. Gaspard. Pas du tout. Ensuite, on n'apprend jamais que les choses qu'on ne sait pas, et c'est très amusant d'apprendre. Lucas. Oui, quand c'est pour travailler au dehors, mais pas pour se casser la tête, oh. Gaspard. Pas du tout. Ensuite, on n'est grondé que lorsqu'on est paresseux. Lucas. Oui, si c'est un brave maître, mais un maître d'école. Gaspard. Pas du tout. Ensuite, on ne reçoit de claques que pour de grosses méchancetés. Lucas. Mais puisqu'ils disent que parler ou bouger, c'est une grosse sottise. Gaspard. Parce que ça fait du bruit pour les autres. Lucas. Et le grand mal qu'on ferait un peu de bruit, ça fait rire au moins. Gaspard. Si tu ris, tu te feras battre. Lucas. Tu vois bien, tu le dis toi-même. Et je dis moi que si mon père ne me forçait pas d'aller à l'école, je n'irais jamais. Gaspard. Et tu serais ignorant comme un âne. Lucas. Qu'est-ce que ça me fait? Gaspard. Tout le monde se moquerait de toi. Lucas. Ça m'est bien égal. Je n'en serais pas plus malheureux. Gaspard. Et quand il t'arriverait des lettres, tu ne pourrais pas seulement les lire. Lucas. Je n'en reçois jamais. Gaspard. Mais quand tu seras grand. Lucas. Tu me les liras, puisque tu veux être un savant. Gaspard. Non, je ne te les lirai pas. Je ne resterai pas avec toi. Lucas. Pourquoi ça? Gaspard. Parce que tu m'ennuierais trop. Tu ne sauras seulement pas lire ni écrire. Lucas. J'en saurai plus que toi, va, et des choses plus utiles que toi. Je saurai labourer, hercer, piocher, bêcher, faucher, faire des fagots, mener des chevaux. Gaspard, haussant les épaules. Ça te fera une belle affaire, tout ça. Tu resteras toujours un pauvre paysan, bête, malpropre et ignorant. Lucas. Pas si bête, puisque je serai comme mon père, qui est joliment futé et qui sait, tout comme un autre, faire un bon marché. Pas si malpropre, puisque j'ai le puits et la mare pour me nettoyer en revenant du travail. Et toi, avec ton encre plein les doigts et le nez, tu ne peux seulement pas la faire partir. Pas si ignorant, puisque je saurai gagner mon pain quand je serai grand, et faire comme mon père qui place de l'argent. Tu n'en feras pas autant, toi. Gaspard, c'est ce que tu verras. Je deviendrai savant, je ferai des machines, des livres, je gagnerai beaucoup d'argent. J'aurai des ouvriers, je vivrai comme un prince. Lucas. Ah ah ah, le beau prince, prince, vraiment, en sabots et en blouse. Ah ah ah, nous voici arrivés, place à monsieur le prince. Lucas ouvre la porte de l'école en riant aux éclats et fait entrer Gaspard en répétant « Place à monsieur le prince !» Tout le monde se retourne, le maître d'école descend de l'estrade, saisit Lucas par l'oreille, lui donne une tape et le pousse sur le 4e banc. Gaspard s'esquive et va s'asseoir tout honteux pour son frère à sa place accoutumée. Lucas, pleurnichant, « Quand je te disais, tu vois bien que j'avais raison. » Le maître d'école, « Tais-toi. On ne parle pas ici. Ton frère est le modèle de la classe, fais comme lui. Pas un mot. Qu'est-ce que tu sais? Lucas, vivement. Je sais bêcher, pio. Le maître d'école. Tais-toi. Ce n'est pas ça que je te demande. Sais-tu lire, écrire? Lucas. Pour ça non, monsieur. Dieu m'en garde. Le maître d'école. Si tu réponds encore un mot impertinent, je te mets à genoux sur des bûches. Lucas. Mais monsieur, il faut bien que je réponde, puisque vous me parlez. Le maître d'école. Il faut me répondre poliment. Lucas, entre ses dents. Je ne sais comment faire. Quelle scie que cette école! Le maître d'école s'était éloigné. Il remonta sur son estrade. Le maître d'école. Le 4e banc au 1er tableau. Les enfants du 4e banc vont se placer debout devant ce 1er tableau. Lucas reste assis. Le maître d'école donne une tape sur la tête de Lucas avec une longue gaule placée près de lui et répète d'une voix forte « Le 4e banc au 1er tableau !» Lucas comprend et va rejoindre les autres. Le maître d'école « Petit Mathieu du 2nd banc, va montrer les lettres aux ignorants. » Petit Mathieu se lève et commence la leçon. « Ah ! Répétez tous. Ah ! Les huit petits répètent « Ah, ah, ah, ah !» Petit Mathieu « Assez, assez. Oh ! Répétez tous. Oh !» Tous répètent « Oh, oh, oh, oh !» Petit Mathieu « Assez. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il montre un « A ». Tous « Oh, oh, oh, oh, oh !» Petit Mathieu « Pas du tout. Ce n'est pas « O ». Voilà « O ». C'est « A ». Tous « Ah, ah, ah, ah, ah !» Petit Mathieu « Assez. Qu'est-ce que c'est que ça ?» Il montre « O ». Tous « Ah, ah, ah, ah, ah !» Petit Mathieu « Pas du tout, c'est O. Vous êtes des nigauds !» Il leur montre « A ». « Qu'est-ce que c'est ?» Tous « Oh, oh, oh, oh, oh !» Petit Mathieu impatienté « Vous faites donc exprès ? Dites ce que c'est, tout de suite !» Lucas « Ah bah, tu nous ennuies. Est-ce que nous savons ?» Petit Mathieu « Tu vas te faire caloter, toi. C'est pour te faire savoir que je te montre. » Lucas « Tu n'es pas le maître d'école. Ce n'est pas à toi à montrer. » Petit Mathieu « Tu dois m'obéir. C'est moi qui suis le remplaçant. » Lucas « Ah ah ah, plus souvent que je t'obéirai. » Petit Mathieu au maître d'école « Monsieur, Lucas, il dit qu'il ne veut pas m'obéir. Puis-je le taper ?» Le maître d'école « Non, mais lui le bonnet d'âne. » Petit Mathieu veut mettre le bonnet d'âne à Lucas qui se débat. Les autres le maintiennent de force. Il veut arracher le bonnet de dessus de sa tête. On lui saisit les mains. Petit Mathieu « Monsieur, il ne veut pas. Il nous donne des gifles. Il veut arracher le bonnet. » Le maître d'école « Attache-lui les mains avec la courroie. » Petit Mathieu « Donne-moi la courroie, Julien. Là, sur le tas de cahiers. Bien, apporte-la, dépêche-toi. Il nous échappe. » Tous les huit se mettent après Lucas. Les uns attachent la courroie. D'autres lui tiennent les jambes, les épaules, les bras. Petit Mathieu, c'est fait. À présent, tu vas rester tranquille. Lucas est en colère, il pleure et finit par se résigner. Les autres continuent la leçon et finissent par connaître A, O, I, U, E. La leçon finie, on détache Lucas. Il retourne sur son banc avec les autres, il boude, mais il ne bouge plus. On lui donne un livre et on lui montre la page où il doit étudier A, O, I, U, E. Il commence par ne rien faire, il ferme le livre, il pousse ses camarades qui le poussent à son tour. Le maître d'école lève les yeux, tape avec sa gaule Lucas et les autres qui se bousculent. « Silence !» dit-il. Les enfants se frottent la tête et les épaules. Lucas veut parler, ses camarades l'en empêchent et lui disent tout bas « Tais-toi, tu vas nous faire tous punir !» Lucas s'ennuie, bâille, tous se mouchent. « Silence !» crie le maître d'école en posant sa gaule sur l'épaule de Lucas. Il l'avait posée fort, sans doute, car Lucas pleure et se frotte l'épaule. « Silence, donc !» crie le maître d'école d'une voix irritée en posant la gaule plus lourdement encore sur l'épaule de Lucas. Pour le coup, Lucas est dompté, on ne l'entend plus. Il s'ennuie tellement qu'il ouvre son livre et cherche à reconnaître les lettres qu'on lui a montrées. Ses camarades l'aident un peu et il finit par les savoir très bien. Quand le maître d'école fait revenir les petits au premier tableau, Lucas ne se trompe pas une fois. Il est triomphant. Le maître d'école « Ah ah ! Il paraît que la Gaule t'a ouvert l'esprit, mon garçon. Allons, c'est bien, c'est très bien. Nous recommencerons à la première occasion. La Gaule a fait merveille pour bien d'autres encore. Il n'y a que Gaspard qu'elle n'a jamais touché. L'école est finie. Allez tous dîner et jouer jusqu'à 2 heures. » Il était midi. Les enfants se précipitent dans la cour. Les uns se dépêchent d'aller dîner chez leurs parents, d'autres, comme Gaspard et Lucas, qui demeuraient trop loin, s'assoient dans un coin, ouvrent leur panier et en tirent leurs provisions. Lucas, qu'est-ce que nous avons pour dîner ? Gaspard, un œuf dur chacun et du fromage blanc. Tiens, voilà ton œuf, ton pain, voici ma part, le fromage et le cidre, entre nous deux. Lucas, et toi, Henri, qu'est-ce que tu as ? Henri, quoi que j'aie, pas grand-chose, du pain et du fromage passé. Lucas, as-tu du cidre ? Henri, ma foi non. Quand j'ai soif, je vais au puits ou à la rivière. Maman est seule, tu sais, pour gagner sa vie. Elle n'a pas de cidre à me donner. Lucas ne dit plus rien. Les enfants mangent tous. Quand Gaspard a fini, il regarde la bouteille de cidre. Gaspard, tiens, il y en a encore près de la moitié. J'en ai pourtant bu mes 3 verres, comme d'habitude. Lucas, c'est moi qui n'ai pas encore bu. Laisse-moi la bouteille, je vais boire tout à l'heure. Gaspard, dépêche-toi, que nous ayons le temps de jouer. Les enfants se lèvent. Lucas fait signe à Henri de rester. Quand les autres sont partis, Lucas verse un verre de cidre et le donne à Henri. Lucas. Tiens, mon Henri, bois ça. Ça te remontera l'estomac. Henri. Merci bien, Lucas. Tu as bon cœur tout de même, quoique tu aies été bien en colère quand tu as reçu la gaule sur la tête et le dos. C'est qu'il ne plaisante pas, le maître d'école. Lucas. Pour ça, non. Quand il tape, ce n'est pas pour rire. Il est méchant tout de même. Henri. Écoute donc, c'est qu'aussi tu l'asticotais et tu lui répondais. Il n'aime pas ça. Lucas. C'est ennuyeux de ne pas pouvoir parler et raisonner un tant soit peu. Henri. Mais pense donc. Si chacun se mettait à riposter et à dire des raisons, c'est que ça ferait un train à ne plus s'entendre. Nous sommes 63, vois-tu ? Lucas. L'école serait bien moins ennuyeuse. Henri. Oui, mais on n'y apprendrait rien. Tu vois bien toi-même, tu n'as su tes lettres que parce que tu t'ennuyais. Lucas. Et à quoi ça me servira de savoir 5 lettres ? Henri. Un autre jour, tu en apprendras 5 autres. Et toujours comme ça. Et puis tu sauras lire. Lucas. À quoi que ça me servira de savoir lire ? Henri. Ça te servira à bien apprendre ton catéchisme, à avoir des prix, à apprendre à écrire. Lucas. Et à quoi ça me servira d'écrire ? Henri. À écrire des lettres, à faire des comptes. Ça sert bien, va ? Je vois ça chez notre maître. Il ne savait jamais le compte de rien, ni foin, ni paille, ni orge, ni avoine. Quoi qu'il arrivait, on le volait, que c'était une pitié. Sa ferme marchait mal. Le blé avait beau rendre, il n'en vendait pas ce qu'il avait espéré. Le foin s'en allait et tout partait sans lui donner de bénéfice. Lucas. Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas écrire. Henri. Si fait, car depuis que je sais écrire et compter, il m'emploie tous les dimanches à faire ses comptes, à écrire ses marchés. Il sait ce qu'il a, ce qu'il vend, et il est à l'aise au lieu d'être gêné. Lucas. Tiens, tiens, c'est vrai ça. Allons, un dernier verre que nous partagerons et puis allons jouer. Ils burent chacun leur demi-verre et partirent, contents tous deux. Lucas, d'avoir partagé son cidre avec Henri, qui était un brave et honnête garçon, fils d'une pauvre veuve, et Henri, d'avoir pu donner un bon conseil à Lucas, qui avait été charitable pour lui. Ils se mêlèrent aux joueurs, et Lucas commença à trouver l'école moins ennuyeuse et moins inutile qu'il ne le pensait. Grâce à sa bonne action, Lucas était en ce moment plus heureux que le studieux, le sage Gaspard. Chapitre 2. Le travail des champs. À 2 heures, la cloche sonna pour reprendre l'école. Les enfants cessèrent leur jeu et coururent se placer près de la porte. Quand le maître ouvrit, la tête de l'école se mit à entrer en bon ordre, 2 par 2. Chacun alla prendre sa place. La queue se bousculait, se poussait. C'était Lucas qui causait ce désordre par son empressement à rentrer en classe. Il en avait poussé un second, lequel poussait un troisième. Un coup de coude amena un coup d'épaule qui fut payé d'un coup de pied. La moitié n'était pas entrée, qu'on criait et qu'on se battait à la queue. Le maître d'école avait fait des chut et des silences sans pouvoir se faire obéir. Il eut alors recours à son argument accoutumé, la gaule. Elle retomba vivement et fortement sur le groupe en désordre. Lucas en reçut plus que les autres, car il se faisait remarquer par des crises et des mouvements plus prononcés. Au lieu de reculer, il avançait toujours, si bien qu'il se trouva seul en avant, seul en vue et seul en face du maître d'école irrité. Le maître d'école. « Mauvais gamin, la gaule ne te suffit pas. Il te faut mieux que ça. Voilà, mon garçon, tu vas être servi à souhait. » Pan, pan, vlan et vlan. Lucas reçut en 1 minute plus de coups qu'il n'en pouvait compter. Il eut les cheveux et les oreilles tirés et il arriva sur son banc par l'effet d'un coup de pied qui le lança comme une balle. La surprise le rendit muet. Il était resté la bouche ouverte et les yeux écarquillés quand ses camarades le rejoignirent, les uns riant de sa mésaventure, les autres se frottant les membres, froissés par la gaule. Le calme était rétabli, le maître d'école se retrouvait sur son estrade. Chacun ouvrait son livre et tirait ses cahiers. La distribution du travail fut promptement faite. Les petits retournèrent à leur tableau. La leçon se passa à merveille. Lucas, encore troublé de tout ce qu'il avait reçu, fut docile, sérieux et appliqué. Aussi eut-il des compliments en place des coups du matin. Quand il sortit de l'école avec son frère, Henri les suivit. « Je vais faire route avec vous, dit-il, puisque nous demeurons dans le même hameau. » Lucas. « Oui, viens avec nous, Henri. Nous cueillerons des merises tout en marchant. » Henri. « Pas moi. J'aime mieux cueillir des fleurs de 1000 pertuis. C'est la saison. » Lucas. « Pourquoi faire ? Ce n'est pas très joli. » Henri. Si fait, je trouve très jolies ces grappes de petites fleurs jaunes. Mais ce n'est pas pour cela que je les cueille. C'est pour les mettre dans de l'huile. Lucas, pourquoi faire dans l'huile? C'est la gaspiller. Henri, pour ça non, ça ne la perd pas. Quand les fleurs ont bien trempé au soleil pendant un mois, l'huile devient toute rouge. On en met sur des coupures, des brûlures, des plaies, et ça guérit de suite. Gaspard, tiens, comment sais-tu ça, toi? Henri, je l'ai lu dans un journal que m'a prêté le maître d'école. Gaspard, comment s'appelle-t-il ce journal? Henri, la revue de la presse. Il est amusant tout plein. Il y a un tas d'histoires, et puis des remèdes comme cette huile de millepertuis. Gaspard, je demanderai au maître d'école qu'il me le prête. Lucas, ce sera amusant. Si tu vas te mettre à lire maintenant en dehors de l'école, je serai seul pour travailler et m'amuser. Gaspard, tu n'as qu'à lire aussi, tu ne t'ennuieras pas alors. Lucas, si fait, je m'ennuierai. C'est assommant de lire. J'aime bien mieux faner ou bêcher le jardin, ou clore les brèches, ou garder les vaches. Et toi, si tu passes ton temps à lire, mon père te frottera les oreilles, tu verras ça. Gaspard, non, parce que mon père sait que je veux devenir savant, pour faire mon chemin. Lucas, quel chemin vas-tu faire? Gaspard, je te l'ai déjà dit, je veux faire comme le petit maigre, Monsieur Ferréor, qui était garçon cloutier et qui a des millions et des usines partout, et des terres partout, et des châteaux, et qui commande à des milliers d'ouvriers et qui est heureux comme il n'est pas possible davantage. Lucas, heureux? C'est donc pour ça qu'il crie toujours qu'il est après ses ouvriers comme un dogue après les bestiaux, qu'il court sans s'arrêter comme le juif errant, qu'il ne se donne de repos, ni fête, ni dimanche. Gaspard, je ne dis pas, mais il a tout de même des millions, et la croix d'honneur, et des châteaux, et des terres à ne savoir qu'en faire, et tout le monde le salue et le craint. Lucas, oui, on le craint, comme tu dis, mais on ne l'aime pas. On le salue et on rit de lui, et toi, tout le premier, tu l'appelles vieux parchemin, vieil avare, sac à argent, et je ne sais quoi encore. Gaspard, parce qu'il n'est pas bon, et qu'il ne donne pas aux pauvres, et qu'il est dur pour les ouvriers. Mais je ne ferai pas comme lui, tu verras ça. Lucas, riant. Ah, je ne verrai rien du tout, parce que tu resteras ce que tu es, ouvrier, aidant mon père à faire aller la ferme. Gaspard, non, je ne veux pas travailler à la terre. Je te l'ai déjà dit, je n'y travaillerai pas. Une voix. Hé, vous autres, arrivez donc, on a besoin de vous pour ramasser le trèfle. Gaspard et Lucas aperçurent leur père qui les attendait sur le chemin et qui paraissait mécontent de leur longue absence. Lucas courut au-devant de lui. « Nous voici, mon père. Nous avons été un peu longs à venir parce que nous nous disputions, Gaspard et moi. » Le père, durement. « Pourquoi vous disputiez-vous au lieu d'avancer? Vous savez bien que je ramasse mon trèfle et qu'on n'a pas trop de tout son monde. » Lucas. « Oui, mon père, j'y vais tout de suite. C'est que Gaspard veut devenir un monsieur et que je me moquais de lui. » Le père. « Ah, tu veux devenir un monsieur? Tu n'as pas encore l'âge, mon garçon. Va vite au trèfle. Je vais chercher des liens, je vous rejoins. » Le père rentra dans la cour de la ferme. Lucas courut au champ de trèfle. Gaspard marcha plus lentement encore en répétant « le trèfle, je me moque pas mal du trèfle. C'est tantôt une chose, tantôt une autre. On n'a jamais fini dans cette vilaine ferme. C'est éreintant, c'est ennuyeux. Et ce nigaud de Lucas qui pousse à ce travail ennuyeux et fatigant, il ne comprend rien. Il est bête comme tout. » Le père le rejoignant. « Ah ça, tu as donc la paralysie dans les jambes, que tu n'avances pas plus qu'un lièvre blessé? Tiens, vois ton frère. Le voilà là-bas, là-bas, prêt à se mettre à l'ouvrage. » Gaspard. « C'est que j'ai des devoirs à faire. » Le père. « Quel devoir? Pour qui? » Gaspard. « Pour le maître d'école. » Le père. « Je me moque de ton maître d'école et de ses devoirs quand mes trèfles sont dehors et bons à rentrer. Ton devoir est d'aider au travail de la ferme. Je n'en connais pas d'autre pour le moment. Allons, marche, et lestement, dépêchons-nous. » Le père poussa rudement Gaspard, qui était de très mauvaise humeur, mais qui fut obligé de hâter le pas comme son père. Quand ils furent arrivés au champ de trèfle, Lucas y travaillait avec ardeur. Il avait déjà retourné une demi-rangée de trèfle. « Tiens, Gaspard, voilà la fourche au pied de l'arbre » cria-t-il à son frère, qui paraissait chercher quelque chose. Le père était à l'ouvrage, avec tout son monde, avant que Gaspard eût ramassé sa fourche. « Prends garde, lui dit Lucas à demi-voix. Mon père te regarde. Il n'a pas l'air trop content. » Gaspard, d'un air bourru. « Laisse-moi tranquille. S'il n'est pas content, je ne suis pas content non plus. Vous m'ennuyez, tous. » Le père regardait toujours, et voyant la mauvaise volonté évidente de Gaspard, il s'approcha et lui tapa sur le dos avec sa fourche. « C'est pour te donner du cœur à l'ouvrage, paresseux. fainéant, commence, ou je te ferai marcher un peu plus rudement que tu ne le voudrais. » Gaspard savait que son père ne plaisantait pas quand il s'agissait de travail. Il fut bien obligé de se mettre sérieusement à l'ouvrage, mais il y mettait de l'humeur, de la mauvaise volonté. Au lieu de retourner le trèfle avec sa fourche, il le poussait et il en laissait la moitié sans y toucher. Le père l'observait sans faire semblant de rien. On travailla ainsi pendant 2 heures environ. Il faisait chaud, on avait soif, le champ était fini. Avant de passer à celui à côté, le père appela ses ouvriers. « Il fait chaud, » dit-il. « Buvons quelques verres de cidre et mangeons une croûte de pain. Nous allons recevoir ainsi la récompense de notre travail. » Les ouvriers, joyeux de ce quart d'heure de repos, se groupèrent sous un gros pommier bien touffu qui les abritait du soleil. Lucas accourait, rouge et en nage. Gaspard allait aussi prendre sa place, mais le père le repoussa rudement. « Le père, tu n'as pas gagné ta place au milieu de nous, grand paresseux. Va retourner le trèfle que tu n'as fait que pousser, et quand tu auras fini, tu viendras te rafraîchir, pas avant. » Gaspard, consterné, n'osa pas répliquer et resta debout, immobile, prêt à pleurer. Quoiqu'il n'eût travaillé ni bien ni beaucoup, la sueur coulait de son front. Il avait évidemment grande envie d'un verre de cidre. Il fit pitié à Lucas. « Mon père, dit-il, pardonnez-lui, il était fatigué de l'école. Il avait déjà chaud. C'est pourquoi il a travaillé mollement. » Le père. « Et toi donc, tu n'as pas été à l'école comme lui? N'avais-tu pas chaud comme lui ?» Lucas. « Oui, mon père, mais moi, ce n'est pas la même chose. Je travaille à l'école moins fort que Gaspard, et je supporte mieux la chaleur et le travail des champs. » Le père. « Parce que tu as du courage et du cœur pour ce qui est du vrai travail, et lui n'est qu'une poule mouillée. Il mérite d'être puni. Il n'en mourra pas, il fera mieux son devoir à l'avenir. « Allons, » continua-t-il en s'adressant à Gaspard, « va au trèfle, retourne tes rangées et dépêche-toi. » Le ton du père Thomas ne permettait pas de résistance. Gaspard reprit sa fourche et commença tristement son travail. Lucas se leva et le rejoignit avant que le père eût pu le retenir. « Lucas, ne te chagrine pas, Gaspard, je vais t'aider. Nous allons avoir bientôt fini à nous deux et tu arriveras encore à temps pour manger un morceau et boire un coup. » Gaspard, « et toi donc ?» Tu dois être fatigué. Lucas, pas trop encore. D'ailleurs, quand je le serai, je retrouverai encore la force pour te venir en aide. Gaspard, merci Lucas. Tu vois ce que c'est que le travail d'une ferme, et tu veux que je passe ma vie à suer, à m'éreinter, à m'ennuyer pour gagner à peine de quoi vivre? Pas si bête, je puis faire mieux que ça, et je ferai à mon idée quand je serai plus grand. Lucas. « Écoute, Gaspard, il n'y a déjà pas tant de différence entre la fatigue du fermier et la fatigue de l'école. Seulement, mon travail m'est bon pour la santé. Il me donne de la force, de l'appétit et du sommeil. Et toi, avec tes livres, tu te fatigues la tête, tu deviens malingre, tu dors mal, tu rêvasses un tas de choses qu'on n'y comprend rien. Et en somme, tu es fatigué plus que moi, tu es sérieux comme un âne et paresseux comme un loir. » Tout en causant et en discutant, ils avaient fini leur ouvrage. Lucas s'était entendu appeler plusieurs fois par son père, mais il n'avait pas fait semblant d'entendre pour débarrasser plus vite son frère de sa tâche. « À présent, » dit Lucas en riant, « mes oreilles se sont ouvertes, et j'entends mon père qui m'appelle tant qu'il a de la voix. Voilà, voilà, » cria-t-il, « j'arrive, nous avons fini. » Ils eurent bientôt rejoint les autres près du pommier, et tous deux demandèrent à boire et à manger. Le père s'empressa de donner à Lucas une bonne tranche de pain et un grand verre de cidre. Il servit moins abondamment Gaspard. Un ouvrier. « Tu n'aimes donc pas à tourner le trèfle, mon garçon ?» Gaspard. « Je n'aime pas ce qui fatigue et ce qui fait chaud. » L'ouvrier. « Ah ah ah, tu es délicat, toi. Et comment veux-tu que les choses marchent si personne ne veut se fatiguer, ni suer, ni travailler ?» Gaspard. « Je veux bien travailler, mais dans des livres et des écritures. » Un autre ouvrier. « Ah ! Tu veux devenir un gratte-papier. Joli amusement. J'aime mieux devenir rouge comme un radis en travaillant la terre que pâle comme un navet en piochant dans les livres. » Gaspard. « Je ne serai pas du tout pâle. Est-ce que le vieux monsieur Ferréor est pâle ?» L'ouvrier. « Pour ça, non. Je dois dire qu'il est violet, tirant sur le noir. À force de se brûler le sang à courir les grandes routes jour et nuit et à expérimenter ses fourneaux. Et tu trouves, toi, que c'est une jolie couleur pour un chrétien ?» Gaspard. « Ce n'est pas à la couleur de Monsieur Ferréor que je veux arriver, c'est à sa position. » Le père. « Et tu crois, Nigo, que tu arriveras comme lui au million qu'il a gagné ?» Gaspard. « Pourquoi pas? Puisqu'il les a gagnés, je peux bien les gagner aussi. Un ouvrier. Oh oh, monsieur a de l'ambition. Le père. Imbécile, à quoi te serviront tes millions quand tu seras mort? Gaspard. Ils me serviront autant que vous servent vos trèfles et vos blés. Le père. Pour ça, tu as raison. Après la mort, mais pendant la vie, c'est meilleur. Gaspard. Comment cela? Le père. Parce que je vis comme un brave fermier que je suis, que je ne me creuse pas la cervelle à étudier dans les livres, que je me contente de ce que m'envoie le bon Dieu, et que je ne me ronge pas le cœur à désirer des millions que le bon Dieu n'a pas voulu me donner puisqu'il m'a fait naître paysan. Gaspard n'osa pas répondre car il n'avait rien de bon à dire. On finissait la demi-heure de repos et chacun se leva. Thomas. À présent, mes garçons, rentrons le trèfle qui a été bottelé ce matin. Toi, Guillaume, va chercher la grande charrette. Toi, Lucas, va aider à atteler. Toi, Gaspard, ramasse les râteaux et les fourches et va les porter près des bottes de trèfle. Et vous autres, femmes et garçons, allez faire des liens là-bas, sous le pommier, et ramasser le trèfle sec pour être liés. Chacun alla à son ouvrage, riant, chantant et se dépêchant. Gaspard soupirait, rageait et pestait contre les travaux des champs. Il fallait bien qu'il travaillât, pourtant, et, comme disait son père, qu'il gagnât son pain. « Demain, se dit-il, je m'arrangerai autrement, et j'aurai une bonne heure de repos pendant que ce nigaud de Lucas s'échinera à travailler aux champs. »